Introduction au livre de Tobie. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Le livre de Tobie de la Bible de Filion. Traduit par le révérend père Louis-Claude Filion. Introduction. Premièrement, le nom, le sujet, la division. Le nom est celui des deux héros du livre qui en furent vraisemblablement aussi les auteurs. Le titre varie néanmoins légèrement dans les différentes versions. En grec, Biblos, Logon, Tobit ou Tobite, parfois simplement Tobit. Dans la Peskito-Syriaque, Liber Rerum Tobit. Dans les traductions latines, Liber Tobiae ou Tobias ou Tobit et Tobias. Ou ce qu'il y a de meilleur peut-être, Liber Utriusque Tobiae. Le sujet, charmant et populaire, est bien connu. C'est l'histoire des deux Tobie et des merveilleuses bontés du Seigneur à leur égard. Le Père, si saint, si éprouvé, si patient, si récompensé. Le Fils, bien saint aussi, qui sert d'instrument à Dieu pour faire cesser les malheurs soit de son Père, soit de sa cousine Sarah, et qui est lui-même étonnamment béni. Tout se résume en ces quelques mots. La division peut être différemment présentée. Par exemple, 6 sections formant autant de tableaux. Premièrement, Vertus et épreuves de Tobie, chapitre 1, verset 1, jusqu'au chapitre 3, verset 6. Deuxièmement, Vertus et épreuves de Sarah, chapitre 3, verset 7 à 23. Troisièmement, Voyage du jeune Tobie en Médie, chapitre 3, verset 24, jusqu'au chapitre 6, verset 9. Quatrièmement, son mariage avec Sarah, chapitre 6, verset 10, jusqu'au chapitre 9, verset 12. Cinquièmement, son retour à Ninive, chapitre 10, verset 1, jusqu'au chapitre 11, verset 21. Sixièmement, conclusion. Manifestation de l'ange Raphaël, dernières années de Tobie, chapitre 12, verset 1, jusqu'au chapitre 14, verset 17. Nous avons adopté le partage suivant. Deux parties, dont la première, chapitre 1, verset 1, jusqu'au chapitre 3, verset 25, sert d'introduction au reste du livre, en décrivant dès l'abord les épreuves si cruelles de Tobie et de Sarah. La seconde, chapitre 4, verset 1, jusqu'au chapitre 14, verset 17, raconte la façon toute providentielle dont Dieu mit fin à ses épreuves par l'intermédiaire du jeune Tobie. Pour les subdivisions de ces deux parties, nous admettons les sections ou tableaux qui viennent d'être indiqués. Il est certain que ce petit livre forme un tout parfaitement coordonné et disposé avec un art admirable. Deuxièmement, le but du livre de Tobie et son utilité. On peut distinguer le but principal et le but secondaire. La fin principale du livre est évidemment de démontrer que Dieu met parfois les justes dans le creuset de l'épreuve, mais qu'il transforme ensuite leurs maux en toutes sortes d'avantages, même temporels, quand ils ont fait preuve de constance et de fidélité. Sous ce rapport, le livre de Tobie ne diffère de celui de Job que par la forme. De part et d'autre, c'est une justification de la providence divine, mais dans Job, le problème du mal est discuté théoriquement. Ici, il est résolu, pour ainsi dire, en action, par les incidents de la vie vulgaire. Le but secondaire est de fournir un parfait modèle de la vie domestique. À ce titre, notre livre a été justement appelé le manuel des époux. En effet, l'exemple du jeune Tobie montre comment doivent se contracter et se célébrer les unions agréables à Dieu. L'humanité, l'amour paternel, la piété filiale, la douceur et la probité des deux Tobie sont le développement de la pensée fondamentale. Ainsi, ce livre devient le livre élémentaire des parents qui veulent fonder une famille agréable à Dieu et marcher courageusement au-devant des épreuves de la vie. Il abonde donc en nombreux enseignements moraux qui ne le rendent pas moins utile qu'intéressant. Au point de vue historique, il nous fournit de très précieux détails sur la vie de famille chez les Hébreux et sur la situation des Israélites déportés en Assyrie. Son importance n'est pas moindre pour le dogme, puisqu'il développe notablement ce que nous avions appris jusque-là dans l'Ancien Testament sur l'existence et le rôle des anges, bons ou mauvais, et en particulier sur les anges gardiens. Il ouvre enfin, dans le beau cantique du chapitre 13, de grandioses perspectives messianiques. Troisièmement, l'auteur et l'époque. Dans le texte grec et la plupart des autres anciennes versions, Tobie l'Ancien est mis directement en scène et parle à la première personne aux premières pages du livre. Chapitre 1, verset 2b, jusqu'au chapitre 3, verset 6. De plus, dans ce même texte grec, il est dit formellement, chapitre 12, verset 20, que l'ange Raphaël, avant de remonter au ciel, engagea les deux Tobie à écrire le récit des merveilles dont ils avaient été l'objet. Graphate panta ta suctelestenta eis biblion. Or, il est tout naturel de supposer que cette recommandation fut religieusement exécutée. Les éditions grecques l'insinuent même, en ajoutant, chapitre 13, verset 1, que Tobie écrivit une prière de louange, c'est-à-dire son beau cantique, ce qui implique qu'il joignit au chant d'action de grâce la narration des faits qu'il avait occasionnés. Les exégètes catholiques anciens et modernes, s'appuyant sur ces données, ont admis pour la plupart que les deux Tobie sont les auteurs, en même temps que les héros, du livre qui porte leur nom. Et ce sentiment n'a rien que de très vraisemblable, d'autant mieux qu'à tout instant de minutieux détails révèlent le témoin oculaire. À coup sûr, il faut faire exception pour les deux derniers versets, chapitre 14, versets 16 à 17, qui racontent la mort du jeune Tobie et qui furent ajoutés par quelqu'un de ses enfants. L'époque de la composition du livre se trouve déterminé par la même. Il remonte au premier temps de la déportation des Israélites du nord en Assyrie, puisque Tobie paraît avoir vécu sous le règne de Salmanazar vers la fin du 8e siècle avant Jésus-Christ. Quatrièmement, caractère historique du livre. On le nie hautement dans le camp rationaliste, en réalité à cause des miracles qu'il raconte en si grand nombre. La plupart des commentateurs protestants adoptent cette même opinion, quoique en alléguant d'autres motifs, et ne voient dans le livre de Tobie qu'une fiction, qu'un pieux roman. L'objection tirée des miracles ne prouve absolument rien. Les autres seraient plus sérieuses si elles étaient fondées, mais elles ne sont qu'apparentes et futiles, qu'il suffise de les indiquer ici, car la réfutation sera plus claire et mieux à sa place dans le commentaire. Le livre de Tobie contiendrait des erreurs géographiques. Ainsi, la ville de Rages ne fut bâti, d'après Strabon, que par Séleucus Nicator. Elle ne peut donc avoir existé au temps de Salmanasar. De plus, cette même ville est donnée, chapitre 3, verset 7, comme la résidence de Sarah, tandis que plus loin, chapitre 9, verset 6, Azarias est envoyé du lieu qu'habitait Sarah, à Rages. Le livre de Tobie contiendrait des erreurs historiques. Premièrement, d'après chapitre 1, verset 18, Sennachérib serait fils de Salmanasar, ce qui est faux, puisqu'il était fils de Sargon. Deuxièmement, il est affirmé, chapitre 1, verset 2, que Tobie, qui appartenait à la tribu de Nephtali, fut déporté par Salmanasar, tandis que, d'après le quatrième livre des Rois, chapitre 15, verset 29, c'est Églath-Phalasar qui emmena cette tribu en captivité. Le livre de Tobie contiendrait des erreurs dogmatiques dans ses assertions relatives soit à l'ange Raphaël, soit au démon Asmodée. Mais quand on examine de près les choses sans idée préconçue, l'on voit que ces assertions sont en parfaite conformité avec les autres passages de la Bible où il est question des bons et des mauvais anges, et que, si elles ajoutent quelques traits nouveaux, cela a lieu d'après le développement progressif de la révélation d'un livre à l'autre de l'Ancien Testament. Le livre de Tobie contiendrait des détails contraires à la saine morale, notamment le mensonge de l'ange, chapitre 5, verset 18, des dires exagérés sur l'aumône, chapitre 4, verset 11, etc. Preuve bien faible auxquelles nous opposons les détails généalogiques, historiques, géographiques, chronologiques, par lesquels le livre de Tobie se présente lui-même à nous comme une réalité vécue, comme une série d'événements objectifs, comme l'opposé de la fiction et de l'allégorie. Cinquièmement, la canonicité du livre de Tobie a été définie successivement par les conciles de Trente et du Vatican, et elle s'appuie sur une tradition irrécusable. Ce petit volume manque, il est vrai, dans la Bible hébraïque, et c'est pourquoi on le range parmi les écrits deutérocanoniques. Mais il était admis quand même par les Juifs, puisqu'on le trouve dans la traduction des Septante, et que les rabbins le citent volontiers. Du reste, c'est des mains des Juifs que l'Église chrétienne l'a reçu, et l'on ne comprend pas que les protestants le rejettent comme apocryphe, dès lors que de nombreux pères le mentionnent ouvertement comme un livre inspiré, faisant partie intégrante de la Bible. Nous pouvons tirer un argument semblable des fresques des catacombes qui reproduisent presque en entier l'histoire de Tobie. Ces représentations, si souvent répétées dans la primitive Église, alors que rien ne se faisait en ce genre, soit dans le cimetière, soit dans les basiliques, sans l'autorité des pasteurs, prouvent jusqu'à l'évidence que le livre de Tobie fut dès les premiers temps placé dans le canon des livres saints. Sixièmement, texte primitif et traduction. Saint Jérôme, dans sa Prefatio in Tobiam, a écrit ces mots « Librum sermone caldeo conscriptum », d'où l'on a conclu parfois que le livre de Tobie avait été écrit primitivement en chaldéen. Mais le saint docteur voulait dire seulement qu'il avait fait sa traduction sur un texte chaldéen. Aujourd'hui, l'on admet communément, et il est à peu près certain, que la langue originale fut l'hébreu. Ce texte primitif est depuis longtemps perdu, et les différentes versions anciennes qui en existent diffèrent tellement les unes des autres qu'il est assez souvent impossible à la critique de reconstituer la leçon originale. Les traducteurs ont agi avec beaucoup de liberté, Tel détail contenu dans la version grecque est omis par la Vulgate, ou réciproquement. Le même nom propre revêt les formes les plus multiples, etc. Mais hâtons-nous de dire que ces variantes n'atteignent que la surface, et nullement le fond du livre, qui est partout identiquement le même. Parmi ces traductions, signalons la syriaque, l'italique, l'arménienne, la chaldéenne, mais surtout la grecque des Septante et celle de saint Jérôme que la Vulgate nous a transmise. Quoique cette dernière semble avoir fréquemment abrégé et résumé le texte original, c'est elle peut-être qui s'en rapproche le plus, et on la regarde comme excellente à tous les points de vue. Septièmement, ouvrages à consulter. N. Serrarius, In Libros Tobiam, Judith, Esther, Maccabeos, Mayence, 1599. F. Justinianus, Tobias Explanationibus Historicis et Documentis Moralibus Illustratus, Rome, 1620. G. Sanctius, In Libros Ruth, Esdré, Néhémie, Tobie, etc., Lyon, 1628. L'abbé Gillet, Tobie, Judith et Esther, Paris, 1879. Pour les questions d'introduction, voyez Cornélie, Historica et Critica Introductio in Utriusque Testamenti Libros Sacros, tome 2, page 370 et suivante. Fin de la traduction.